Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Chaque mois sur Fadjet, vous avez l'occasion de retrouver l'émission Au fil de l'eau en partenariat avec la Fédération de Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Le mois dernier, vous aviez pu en savoir plus sur la pêche au leurre artificiel. Et ce mois-ci, eh bien, nous retrouvons François Rouillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement du loisir pêche. Et avec vous, eh bien, on va découvrir plus en détail ce qu'est une fédération de la pêche et de la protection du milieu aquatique. Première question, à quoi ça sert ? Alors, à quoi ça sert ? Effectivement, tout est dans le titre. Ça sert à développer la pêche de loisir et à protéger le milieu aquatique. Alors, il faut savoir que la fédération est départementale et fait partie d'un des plus grands systèmes associatifs en France, avec donc 3600 associations AAPPMA. Ça s'appelle Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques. Et pour la Meurthe-et-Moselle, alors combien d'associations ? Donc nous avons une fédération départementale qui rassemble donc 25 AAPPMA. L'association de pêche, en fait, c'est l'association à laquelle vous adhérez quand vous achetez votre carte de pêche. Comment ça fonctionne au sein de cette fédération ? Alors, la fédération, on est là pour aider les APPMA à mener à bien leur projet, que ça soit sur le volet justement développement de la pêche de loisirs, communication, animation aussi, sensibilisation au milieu aquatique, et sur le volet justement protection des milieux, lutte contre les pollutions, le braconnage, la surveillance et la gestion des populations de poissons. Vous travaillez en lien avec ces associations, vous parliez d'animation. Sur une période comme celle de l'hiver ou de l'automne qui arrive, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on intervient pas mal en milieu scolaire, notamment, où on parle des poissons, de leur mode de vie et du fonctionnement du cycle de l'eau, ce qui permet voilà, de faire un petit peu de prévention dans les écoles. Donc, on a un partenariat avec aussi, notamment, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur, notamment, cette protection et gestion des milieux aquatiques ? Donc, vous le dites sur la sensibilisation auprès des jeunes. Avec les associations, comment ça se traduit sur le terrain ? Alors, on intervient, en fait, sur certains travaux, notamment la réhabilitation de frayères. Alors, c'est quoi une frayère ? Alors, une frayère, c'est une zone de reproduction. Les poissons se reproduisent dans certaines zones. Et on intervient notamment sur le brochet, qui est l'espèce un petit peu emblématique, hein, pas mal recherchée par les pêcheurs, et classée en espèce menacée hein, par l'Union internationale de conservation de la nature. Donc, on intervient sur ces zones de reproduction. Le brochet se reproduit en fin d'hiver, début de printemps, vers le mois de février, et sur les zones inondables. Et avec l'anthropisation des milieux, c'est-à-dire l'artificialisation des sols et des cours d'eau et des milieux aquatiques, le brochet manque de zones de reproduction. Et nous, la Fédé, on intervient avec les associations de pêche qui gèrent ces zones-là pour réhabiliter ces zones de reproduction naturelles de façon à ce que les populations de brochets puissent être développées. Alors, on organise aussi le réseau de surveillance des lots de pêche. Alors, ça, ce sont des gardes-pêche qui contrôlent effectivement les pêcheurs, mais qui regardent aussi les pollutions qu'il peut y avoir sur les différents parcours de pêche. Donc la fédération, le rôle de la fédération est de former ces gardes-pêche qui sont bénévoles, on le rappelle, donc de les former et de coordonner l'ensemble de leurs actions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les pêcheurs qui nous écoutent ? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser directement à la fédération pour Alors tout à fait, qu'ils n'hésitent pas. Ils peuvent s'adresser à leur association de pêche, dont les coordonnées sont sur leur carte de pêche, ou sur le site internet, ou sur le livret qu'on leur distribue avec leur carte de pêche. Et effectivement, tous les jours, ils peuvent nous appeler à la fédération. Il n'y a aucun problème, on est là pour répondre à leurs questions. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement Oui, assez souvent sur les droits de pêche, un petit peu les réciprocités. Alors nous, on a aussi ce rôle de communication avec différents supports, hein, un site internet, des newsletters et une présence effectivement quotidienne, des bureaux qui sont ouverts du lundi matin au vendredi après-midi. Et, ouais. Et on peut aussi passer à la fédération pour discuter. Il y a aucun problème, c'est ouvert au public et on sera ravis. On est toujours ravis d'accueillir et de renseigner les pêcheurs. Eh bien, justement, pour vous retrouver, où est-ce que vous êtes situé à Nancy ? On est au 50 rue du Docteur Bernheim. Et un site internet ? Donc www.pêche-54.fr. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour présenter la fédération ? Alors, on a deux documents en fait principaux qui cadrent et qui coordonnent nos actions, qui sont le schéma départemental de développement du loisir pêche, qui liste en fait des actions à faire pour développer la pêche de loisir, et sur le volet protection des milieux aquatiques, on a le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles. C'est beaucoup de termes techniques. Oui. C'est effectivement un document qui cadre un petit peu les actions à mener pour que le milieu aquatique aille un petit peu mieux et donc du coup qu'on ait plus de poissons dans une eau de meilleure qualité et une pêche améliorée. Voilà, bien on en sait plus maintenant sur la fédération de Meurthe et Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique, www.pêche-54.fr. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.